faire un boost, mec, ni faire un boost. Rien à foutre que tous craignent, j'suis nard de kilomètres d'où j'traîne. Lyrical coup de cross, Kuba écoute, boo, pardonne-nous la patte, on t'arrache tout le bras, force. Pour mon peuple, comme Ify, terrifié. Crois-nous, va dans la rue, vérifie. Ici les mêmes scènes, même squat, même shit, les mêmes frites de 3 chiennes et 150 chaînes. J'suis dans leur marque, mais dans le coin, dangereux black. Dangereux staff, pas de blague, dangereux taga. Moi j'veux qu'on paye, moi. Écoute-moi, 6000 balles pour travailler tout le mois, j'm'en bats les couilles, moi. Moi j'suis un rat comme Luciano, degré de parano rare comme un noir qui joue du piano. Va dire au port d'alerter les autorités. Moi j'suis obligé d'acheter ma liberté. La vie c'est dur, mais ici on s'en remet. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. J'déconne, je sais, changer, j'essaie. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. L'or et les tasses fréquentent peu de gens clean. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. Les grosses bastos, négro le crack, l'héroïne. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. Les négros n'ont rien à chier. Tous sont fichés, touche du bois de l'acier, fume tout, pas de la 16. Fais de la scène, pas de zèle, pas la 6, pas de zeb. Aucun insiste, combat le 6-6-6. Tu niques, Trey, Kaki, unique MC, à qui la rime grâce au crew, sinon à qui. 92 et du son pour mes gens, du plomb dans les jambes, négro du chrome sur les jantes, spray. J'ai rien vu, rien entendu, les portes fermées. Mon destin est propre à l'autoprod et si à Mala. Avec toute la smala, y'a pas de hasard. C'est que tout seul, j'arriverai pas, je répète, t'entends pas bien ou quoi, ou quoi. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. La vie c'est dur, mais ici on s'en remet. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. J'déconne, je sais, changer, j'essaie. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. L'or et les tasses fréquentent peu de gens clean. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. Les grosses bastos, négro le crack, l'héroïne. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. T'inquiète, bientôt on se bat. Au States ou en Tunisie ou autre part. Dès qu'il y aura de la Tunisie, jamais affaibli. À New York et là j'ai arraché Billy. Cognac Alizé Beux dans les Phillies. Et t'as réalisé que c'était fini. Mon crew c'est pur, violent, bizarre, indéfini. MC navrant, niveau trop bas. J'crois que j'vais mettre à rapper avec le style d'avant. Dans ce monde j'respecte ceux qui m'y ont mis. Regarde l'état, dans quel état on l'a mis. Mon ami c'est pas fini donc méta. Tenue verte, marron et beige. On fait nos dièses, on s'en bat les couilles, on les baisse. Tout baigne de pisse dans leur tout baigne. Leur vue baisse et je vois des couches dans leur poubelle. Précis, bouteille alcool avec un chiffon. À fond V6, du whisky dans la vessie. L-U-N-A-T-I-C, ça sent la Tessie. La paix, ah vas-y, on fait pas de magnificie. La vie c'est dur, mais ici on s'en remet. J'déconne, je sais, changer, je sais. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. L'or et les tasses fréquentent peu de gens clean. Les grosses bastos, négro le crack, l'héroïne. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. La vie c'est dur, mais ici on s'en remet. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. J'déconne, je sais, changer, je sais. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. L'or et les tasses fréquentent peu de gens clean. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. Les grosses bastos, négro le crack, l'héroïne. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. Ouais, Soma, fini les cauchemars. J'vis dans la bulle, dans ma bulle. La vie c'est dur, mais on s'en remet. Plus rien m'étonne, jusqu'ici tout va bien. Crois-moi, dose.